Guinée, Conakry. Conakry, Guinée. Big Block MHD. Regarde ça, regarde HD. Demande à Denis Santé. Je viens d'un endroit où on ne connaît pas les dollars. J'ai vu qu'ils ont peur de moi comme si j'étais Ebola. Je tape des pas comme si l'ennemi m'appelait Boumara. Ne m'en voulez pas parce que je suis à l'ouest. En février, posons les armes, direction la Guinée. J'crois qu'ils m'ont matrixé, je suis dans mon truc, un peu trop paro. Et néné me dit de représenter mon bled à la peau des ballots. Je me suis toujours demandé pourquoi les jaloux ils parlent si mal. J'suis toujours sur ma route comme maître Yaya, mon fidèle taximan. Sandales déchirées, j'revois le zincou en train de chercher à taper. La vie c'est bizarre, à la fin on va te demander qu'est-ce que t'as fait. Je viens d'un endroit où on ne connaît pas les dollars. J'ai vu qu'ils ont peur de moi comme si j'étais Ebola. Je tape des pas comme si l'ennemi m'appelait Boumara. Ne m'en voulez pas parce que je suis à l'ouest. Afrique de l'ouest. Je suis à l'ouest. Afrique de l'ouest. Je suis à l'ouest. Pour mon peuple, tricolore ou jeune vert, au moins c'est dit. On m'a dit vas-y tout seul, je marquais l'époque comme Titi oscillé. Une boule au ventre, on associe mon bled à l'Ebola. Mais ça change rien, ce soir je me pavane dans la terre. Putain, 0-2-5-24, mais baisser les armes. J'ai quitté Paris, je suis au bord de la mer. Des guerres, des pays, des serbes, pas rien. Éveillez-vous, on vous, on est tous les mêmes. C'est sûr, je suis au pays. On descend sans toquer. Un petit tour à Madina. De la jeunesse pour se lever. Je viens d'un endroit où on ne connaît pas les dollars. J'ai vu qu'ils ont peur de moi comme si j'étais Ebola. Je tape des pas comme si l'ennemi m'appelait Boumara. Ne m'en voulez pas parce que je suis à l'ouest. Afrique de l'ouest. Je suis à l'ouest. On va tout contrôler comme au barrage 37. Diaby, tout contrôler comme au barrage 37. On est réavenu, mais sans maquiller est revenu. Avedi, entre le Guinéen du monde entier. M.I.D. Avedi, pour toute l'Afrique de l'Ouest. La Guinée Avedi, l'Afrique entière. Ngadji Avedi, Avedi, Avedi. La Guinée Avedi, Ngadji Avedi, Avedi. Je suis à l'Ouest.